On peut plus fumer dans les bars. On nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. On peut plus rouler avec tous ces radars. Les impôts augmentent sans arrêt. Mais bon sang, bientôt, on va payer pour respirer. Oh, au moins, quand j'écoute British Connection, je passe un bon moment. Je découvre de sacrés bons groupes et c'est gratos. Salut à vous, chers auditeurs et auditrices. C'est Olivier Fenestras dans l'émission British Connection. Je me présente. Je suis un artiste bivalent, chanteur et écrivain. Mais je suis également un voyageur, puisque je suis marié avec une Australienne. Alors forcément, j'ai eu l'opportunité d'aller voir de l'autre côté de la planète ce qu'il s'y passait. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon nouveau livre intitulé « À chacun son destin, une vie rock de Paris à Moscou », qui n'est autre que mon autobiographie racontée sous un angle rock'n'roll. Le tout agrémenté de photos qui datent pour certaines d'une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue. Tant pis pour eux, ou peut-être tant mieux, tant cette époque était sauvage et chaotique. Donc, « À chacun son destin » raconte ma vie. Logique, puisque c'est une autobiographie. Et comme je viens de le dire, j'ai eu la chance de voyager et de visiter beaucoup de pays. De plus, Cheryl et moi avons vécu plus de 10 ans à Moscou, avant de nous installer en Bulgarie, où nous vivons aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour elle qu'à l'âge de 40 ans, j'ai tout quitté. Ma zone de confort, mon job, mon groupe de musique CPPN, mes amis et mon pays pour la rejoindre en Russie. Car oui, cette femme unique et extraordinaire vivait en Russie lorsque notre romance a commencé. Dans ce pays hors du commun aux hivers longs et très froids, j'ai vécu des choses inoubliables et incroyables pendant plus de 10 ans. Mais avant de tout plaquer, j'ai aussi eu une vie en France, à Paris et ailleurs. Une vie riche en expériences, car j'ai souvent su saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Même si cela n'a pas toujours été facile, car parfois l'issue positive n'était pas garantie. Mais c'est comme cela que j'ai toujours vécu, sur le fil du rasoir, et que je vis encore, car c'est par le plus grand des hasards que Cheryl et moi sommes installés aujourd'hui en Bulgarie. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter le morceau de musique « Yeye Wawa » issu de l'album de CPPN, mon dernier groupe, et intitulé « La classe ». CPPN. Voilà quatre lettres qui devraient rappeler des souvenirs aux cancres cinquantenaires qui m'écoutent. Vous voyez bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Voilà. Ah, mes enfants, nous sommes en panne de sandwich. C'est mon oncle. Si les amis veulent danser. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Punk No Dad, British Connection. Vous êtes toujours dans l'émission British Connection. Et pour vous présenter mon nouveau livre, À chacun son destin, je vais à présent vous lire le texte qui introduit mon histoire et qui se trouve dans les toutes premières pages du livre. Ça commence par un dicton que j'ai imaginé et qui me correspond bien. Écoutez ça. Nul ne sait si le destin existe. Et s'il existe, il est indomptable. Alors que faire ? Avoir peur de lui ou au contraire, l'affronter avec confiance et croire au hasard, à la chance, en sa bonne étoile. Ces premières lignes qui introduisent mon histoire peuvent paraître loufoques, car tout le monde ne croit pas au destin. Pourtant, lui ou une force supérieure a forgé mon existence et a façonné ma vie. Mon destin, que j'ai affronté avec courage parfois, m'a permis d'avoir une vie vraiment intéressante, insolite, pittoresque, singulière, incroyable. En d'autres termes, une vie rock'n'roll. C'est donc pour cette raison que j'ai eu l'idée de ressortir mes vieilles photos et mes vieux souvenirs, car je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes et leur dire que sans elles, tout aurait été totalement différent. Je serais peut-être resté toute mon existence à Nice, cette ville ensoleillée au bord de la Méditerranée. Oui mais voilà, mes pérégrinations, mes choix, mes rencontres, mes erreurs, mes succès, le rock'n'roll et ma détermination m'ont fait voyager bien loin de ma ville natale, où il fait bon vivre quand on est retraité, mais où on s'emmerde ferme une grande partie de l'année quand on est un jeune rocker. C'est pourquoi à l'âge de 18 ans, en 1987, avec mon BEP cuisinier en poche, je suis monté à Paris chez ma grande sœur Carole, qui avait accepté de m'héberger. C'était le premier changement significatif dans ma vie. Je quittais tout. Ma mère, mes copains, mes copines, le soleil et la plage, pour tenter ma chance à la capitale, comme beaucoup d'autres avant moi. Ensuite, mes nouveaux camarades et le rock'n'roll ont fait de moi un autre garçon. Mais avant de continuer, je vous propose de faire une seconde pause musicale avec un morceau du groupe La Souris Églinguée, intitulé Nostalgique, car il colle parfaitement à mon histoire. Et aussi parce que j'ai eu la chance de les voir sur scène à maintes reprises. Et même jusqu'à Pékin. Oui, oui, Pékin, la capitale chinoise. Salut, salut. passé quelques années. Elles ont vraiment passé si vite qu'on n'a rien vu passer. Cette nouvelle vie m'a permis de bonifier mon look de punk rocker. C'est aussi grâce à cette nouvelle existence que j'ai assisté à plus d'un millier de concerts, que je suis devenu chanteur ou encore que j'ai rencontré Mumu, qui deviendra ma première femme. Avec elle, usé par la vie tumultueusement martroise, nous avons tout quitté et sommes partis à l'arrache tenter l'expérience à Montpellier avant de finalement nous rendre compte que nous préférions Paname. Alors nous sommes revenus à la capitale et avons ouvert notre premier bar-restaurant. Par la suite, nous avons eu un restaurant à Vincennes-Montreuil, dans lequel toute la clique des mauvais garçons du coin venait becter et picoler. C'est là que Mu et moi avons fait la connaissance de Cheryl, une Australienne rêvant de vivre à Paris. Toutefois, à la surprise générale, ce sera finalement à Moscou qu'elle posera ses valises. En mai 2009, un an après mon divorce, je m'envolais pour Perth en Australie et je lui passais la bague au doigt. Jeune marié et amoureux fou, je décidai de changer radicalement de vie, de profession et de tout quitter pour la suivre à Moscou. Désireux de communiquer avec les locaux, je retournai à l'école à 40 ans pour apprendre à parler le russe, une des langues les plus difficiles à étudier. C'est dans cette ville immense et aux hivers froids et interminables que nous vécûmes plus de 10 ans. Puis, un peu comme Zorro, caché derrière son masque, une vilaine pandémie mondiale nous a poussé à changer de vie, encore une fois. Sauf que cette guerre ne nous a laissé ni le temps ni le choix. C'est ainsi que nous avons atterri complètement par hasard à Bucarest, en Roumanie, un samedi soir à minuit, en pleine crise sanitaire. Là, confinés, isolés, complètement déboussolés et sans perspective, dès que nous avons pu traverser la frontière, nous sommes allés en Bulgarie, un pays cousin de la Russie par sa langue et son histoire. Après un petit temps de flottement et de réflexion, nous avons constaté que le monde partait en couille. Par conséquent, nous avons décidé de nous stabiliser dans un petit village au centre de la Bulgarie. Et c'est depuis ce petit endroit bien paisible, loin de l'agitation des grandes villes et du rock'n'roll qui m'a tant animé, que j'ai écrit ce qui suit. Car tu t'imagines bien que tout ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et ce sont donc toutes ces petites histoires, ces face à face avec mon destin que je vais te conter. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi t'embarquer dans mes souvenirs. Voilà, et pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans l'émission British Connection. Il s'agit de Berceau Néo Cabo du groupe Parabellum, que j'ai eu la chance, là encore, de voir sur scène à plusieurs reprises et dont le chanteur, Schulz, était devenu mon ami. Il avait même son rond de serviette dans mon restaurant. Et n'oubliez pas, pour découvrir comment mon destin m'a mené jusqu'en Bulgarie, une seule chose à faire, lire à chacun son destin. Au revoir et à bientôt dans British Connection. C'est que t'es pas... British Connection, l'émission qui te fracasse la tête. J'étais un petit garçon, déjà à la récréation, où c'était la loi du plus fort, les petits derrière les grands d'abord. Y'a pas d'amour, y'a pas d'amour, y'a que de la haine et des vautours. Y'a pas d'espoir, y'a pas d'espoir, y'a que du sang, c'est un cauchemar. Alors je suis devenu méchant, déjà très jeune, ultra violent, et je n'avais que pour ami ma solitude et mon dépit. Y'a pas d'amour, y'a pas d'amour, y'a que de la haine et des vautours. Y'a pas d'espoir, y'a pas d'espoir, y'a que du sang, c'est un cauchemar. Tu m'as tendu la main, je suis devenu un être humain. Mais s'il était déjà trop tard, pas de seconde chance pour un tolard. Y'a pas d'amour, y'a pas d'amour, y'a que de la haine et des vautours. Y'a pas d'espoir, y'a pas d'espoir, y'a que du sang, c'est un cauchemar. Y'a pas d'amour, non y'a pas d'amour, y'a que de la haine et une poignée. Dans 4 minutes, on se retrouve pour la troisième partie et fin de cet album de la semaine, celui de Radio Belgrade. Mais tout de suite, les Anglais de The Members, c'est leur tube, c'est leur carton en 79 de Sand of the Suburbs. I wanna break free now. sound. This is the sound. Alors l'anecdote pour le titre L'étranger, j'ai rencontré un SDF roumain dans la rue, j'ai écouté son histoire, ça m'a touché, donc j'avais envie d'écrire une chanson sur son histoire. Oublier pour avancer dans ce pays, tu dois choisir dans cette réalité, toi l'incompris qui vient par ici, qui vient par ici, qui vient par ici. Attention, attention, ne touchez pas à votre transistor. Asseyez-vous, ne bougez plus, ouvrez vos oreilles. Nous prenons le contrôle, le contrôle. La France est éveillée à ce nouveau mal du siècle, les blousons noirs. Les blousons noirs, c'est en quelque sorte une maladie de l'enfance. C'est grave, mais c'est peut-être guérissable. British Connection. British Connection. I'll bite my tongue. Je n'entends pas très bien. Vous serait-il possible de baisser un tout petit peu la musique? You're listening to British Connection.